Thank you. Eier, oder Püla? Die will aber ab. Thank you. dedans de la catastrophe. Absorbé. On peut voir en Arabie des milliers de tapis. Oh. Ah. Thank you.